C'est maintenant presque nuit. Tant que les lueurs du jour ont donné sur les eaux sombres qui baignent les berges de ces décombres, de ces vestiges que l'homme d'autrefois a laissés. Tu as erré avec ton ami Renardo. Leonardo s'éloignait fréquemment de toi. Tu sembles quelque peu troublé ce jour. Le temps est redevenu froid. Le vent souffle à nouveau dans la vallée et tes vêtements ont peine à conserver ta chaleur. Tu frissonnes. La vieille t'a bien dit que la crève, c'est redoutable. La crève, comme son nom l'indique, s'amène dans la boue, dans la terre, vers la dernière demeure. Il faut se protéger des affres de la pluie, du froid. Il faut se protéger du froid. Est-ce que marcher a suffi à disperser le froid qui entre en ton corps, en tes chairs, jeune Léo? Un peu, mais pas suffisamment. Pas totalement. Pas totalement. Marcher sur la lande, à rechercher quoi de fait? Que cherchais-tu dans la lande au milieu de ces décombres, ces amas de ciment couverts de lierre? Le ciment, cette matière qu'autrefois les habitants du lieu avaient coutume d'utiliser pour ériger leurs abris. Ne trouverais-tu pas de quoi te réchauffer pour la nuit dans l'un de ces bâtiments du temps jadis? Pas sûr, il peut y avoir des orlas qui s'y cachent. N'es-tu pas un chasseur dehors là? Ils me chassent en retour. Les crains-tu à ce point ou n'es-tu que la proie des orlas ou Je suis pourrais-tu aussi un envisager? chasseur. Tu es aussi un chasseur. Et comment attraperais-tu un orla? De ma lance Tu es équipé d'une lance et un arc. et un arc. Et ta lance est-elle est pointée, l'as-tu aiguisée, Bien sûr. la pointe est faite de quelle matière? C'est une esquille d'os que tu as polie? Est-ce une pièce de métal que tu as fichée dans la hampe? C'est une pièce de métal. C'est une pièce de métal que tu as récupérée dans les décombres? Exactement. Et tu l'as aiguisé longuement pour t'assurer de sa pointe et de son tranchant. Et comment entretiens-tu ta pointe effilée? Régulièrement, tu l'as polie d'une pierre à aiguiser que tu as dans ta besace? Oui, des fois j'utilise mes flèches. Tes flèches? À quoi te servirait-elle sur la pointe de ta lance? Tes flèches ne sont que des flèches. Tu as bien raison. Tu as des moments où tu t'es égaré dans le temps distendu de la journée qui s'est écoulée dans le froid? Pas vraiment. Pas vraiment? Des moments d'absence? Où tu n'étais pas tout à fait présent en toi, où tu laissais le temps s'écouler et tu te trouvais tout surpris d'être un peu plus loin que tu ne pensais être, un peu ailleurs, à faire autre chose? Non. Non? Aucun trouble de cet ordre? Non. As-tu faim? Un peu, mais tu n'as pas chassé aujourd'hui. Et quel bâtiment auras-tu choisi pour t'abriter à la nuit tombée? Celui qui a l'air le plus chaud. Qu'est-ce qui pourrait rendre un bâtiment chaud? Bah déjà que les murs soient pas tous. Tous les murs sont recouverts désormais de lierre et de liserons. On devine que ce sont des murs parce qu'ils forment des amas de matière végétale. On sait que sous le feuillage se tient le ciment. Tu le sais pour t'être déjà aventuré en ces lieux, mais tu ne t'y repères pas. Ce sont de grands silos, de grandes tours végétales qui se dressent au milieu des saules et des ajoncs, tout près de l'eau. De grandes tours. Quelle tour choisiras-tu? Quelque chose pourrait te guider? Mon renard. Ton renard? Ton renard, il n'aime pas entrer dans ces lieux. Lui, il préfère aller se glisser sous les branches, ou du moins sous les racines noueuses d'un saule ou dans les buissons pour y passer la nuit. Alors je passerai la nuit près de lui. En sa compagnie, et tu renonceras à explorer ce lieu? Pourtant, c'est dans ce lieu que tu as trouvé de quoi faire ta lance qui te permettrait de chasser les Orlas. Renoncerais-tu aussi simplement au vœu que tu t'es fait de chasser les Orlas pour qu'ils cessent de terroriser les gens? J'explorerai cet endroit demain. Demain? Donc tu renonces maintenant? Tu es trop épuisé, trop fatigué, trop lasse? L'esprit a l'air un peu distant des fois. Maman, j'ai cru trouver refuge dans cette cité. Hélas, perdu dans la pierre et le bois mort, parmi les prédateurs humains. La ville reste une forêt. C'est ce que te dit ou ce que tu crois entendre te dire Leonardo? Vous êtes tous les deux à côté l'un à l'autre. Je me demande si c'est lui qui a dit ça. Il tourne la tête vers toi. Pourquoi ne le dirais-je pas? Je ne dis pas que tu n'as pas le droit de dire ça. Mais ce lieu est étrange. Je suis bien d'accord avec toi. On y apprend que les couleurs se mêlent aux mots pour offrir aux errants que nous sommes. Mais que m'ont-ils offert en somme? Hein? Que suis-je? Je suis ton compagnon, mais... Non, tu es mon ami. Vraiment? Oui. ne te laissera pourrait te lasser de... Ça va, mon ami? Ça va? Pas trop mal? Ça va mieux. Ah. Je suis content pour toi. Que ça aille mieux. Tu voulais me dire quelque chose? Je crains d'avoir oublié, mon ami. Oh! Zut! On va se poser près d'un arbre? Ce vieux saule ne te convient pas? Si! Alors, je te propose de dormir... un peu ici? Et de nous protéger du froid et de la nuit avant que... la presque nuit se soit totalement évanouie et que nous soyons dans les ténèbres de la nuit profonde. Je sors mon sac de couchage et je me mets à dormir près de mon renard. Tu étales ton sac. Il est usé. Ce sont des tas de couvertures qui ont été cousues ensemble. Qui les a cousues? Ce pourrait être une ancienne que j'ai dû croiser. Mmh. Le travail est... et soigné, mais les jours passés au dehors ont déjà usé jusqu'à la trame ton couchage. Il faudra songer à trouver quelque chose de plus épais pour te protéger du froid mordant que porte le vent. Tu t'installes dans ton sac et très vite tu en es à grelotter. Je sors ma couverture qui me restait. Elle ne suffit pas, le vent est bien trop mordant et le froid est tombé et l'humus, le bois est tout imprégné d'humidité. Tu es si près de la rivière, il fait vraiment froid. N'avais-tu pas ressenti une curieuse chaleur lorsque tu avais découvert ce drôle d'escargot gobeur de lombric? Si. Il venait de l'un de ces bâtiments. Peut-être que tu trouverais de la chaleur au-dedans. Je préfère rester avec l'ami. Peut-être que tu pourrais proposer à ton ami Renardo... Il n'aime pas aller dans ces bâtiments. Préfère souffrir du froid et risquer la crève. Je préfère risquer ma vie que d'abandonner mon ami. Cochon qui s'en dédie, tu lui as dit que vous passeriez la nuit au dehors, au pied du saule, et il en sera ainsi. C'est cela? Tu es tout grelottant dans le noir désormais, et pourtant de vagues lueurs demeurent. Elles émanent du sol, de la terre humide couverte de lichen. Elles émanent des amas d'ajoncs un peu plus loin. semblables à des feux follets, mais ce ne sont pas des feux follets. Ces lueurs ont une autre consistance. Elles sont plus vagues, plus ténues. Un jaune verdâtre à tel endroit, un bleu léger et intense qui tranche à peine sur le fond de nuit, un peu plus loin, des couleurs qui semblent rendues, exhumées par le souffle usé de cette vieille cité couverte de lichen, de ronces et d'orties. Tout près de vous, atténuant les plus forts assauts venteux, et c'est probablement pourquoi ton ami Leonardo a choisi le pied de cet arbre pour y faire votre couche. Il y a un roncier massif et quelques orties. Tu as d'ailleurs eu à souffrir de celles-ci. Elles t'ont gratté longuement avant que le froid ne vienne engourdir tes chevilles. Tu t'es frotté aux orties, tu as pénétré le massif de ronciers. D'évidence, les prédateurs que craignait Leonardo auparavant seront dissuadés, ils ne pourront dans ce feuillage se glisser. Je me colle un peu plus à Leonardo. Il grogne, rêve manifestement. Alors j'arrête. Mais sa chaleur est bienvenue. Elle te réconforte quelque peu. Elle dissipe le froid qui commençait à gagner le haut de tes membres. De fait, tu es tout contre lui. Vous partagez la chaleur qui reste en vos corps. Lui, il ne forme qu'un amas de poils roux éclairé par une lune cachée par les brumes de spores qui baignent la vallée de l'Isara. Comme un crépitement qui semble épouser les mouvements qui affectent l'espèce de nuage de couleur, une couleur d'un jaune bilieux qui s'épand. Se vide de la terre tout près du buisson. Dans le buisson, tu entends des craquements comme si quelque chose s'approchait furtivement. D'après toi, que pourrait-ce être? Le gentil escargot. Le gentil escargot qui viendrait ici, te rendre visite? Oui, pour nous réchauffer. Il n'est pas suffisamment gros et sa coquille est froide, mais il pourrait juger que vous auriez quelques lombriques à lui donner. On a toujours notre sac. Maintenant, tu cherches des lombriques pour ton ami l'escargot, si toutefois tu le trouvais? Oui. L'espoir se trouve déçu, il n'y a point d'escargot qui s'approche. En revanche, les mouvements furtifs qui se produisaient dans le buisson se sont rapprochés de toi. Alors, je me rapproche de mon renard. Tu ne peux être plus proche que tu ne l'es actuellement. Tu es tout pelotonné contre lui. Il est profondément endormi. Du buisson qui se tendent vers toi. Qui est-ce ? C'est une main toute décharnée. La chair couvre à peine les os. Tu vois les veines qui saillent, sont comme des sarments de vigne. C'est tout contrefait, les doigts sont bloqués par les déformations qui les affectent. La main s'est arrêtée comme ça et tu aperçois dans la pénombre l'ébauche d'un visage auréolé de ténèbres car... Le visage est coiffé d'un couvre-chef quelconque. Mon Léo, je t'ai enfin trouvé. Qui êtes-vous ? Et dans la lune se dessine graduellement un visage qui... te rappelle celle qui a cousu les éléments de ton couchage, qui a rapiécé tes vêtements. La vieille, elle est là, elle tend la main. Donne-moi un peu de ta chaleur. Et elle s'effondre. Je la mets sous. Soubresaut. Elle a un soubresaut comme ça. Et... Ça va aller, madame. Et il faudrait un bon verre de schnapps. Ou un torboyau quelconque pour chasser ce froid. Si vous vous abritez sous une tente que j'ai dans mon sac, alors je sors ma tente et je l'installe. Dans l'obscurité, tu dresses la tente. Tu aides la vieille dame qui a beaucoup de mal à se tenir droite. Elle se tient toute courbée, toute voûtée dans ses grands vêtements. Beaucoup trop ample pour elle désormais. Elle vient s'asseoir à l'intérieur. Accompagne-moi une dernière fois, mon petit Léo. Hein? Raconte-moi une belle histoire. Alors je fais ainsi. Quelle histoire lui racontes-tu ? L'histoire du chevalier blanc, du chevalier blanc et de la charmante princesse et du dragon. Et lorsque tu en arrives au moment où le chevalier triomphe du grand ver, tu tenais toujours sa main et tu la sens toute froide et toute raide dans la tienne. Elle t'a quitté en écoutant ton histoire. Tu es un peu triste ? Beaucoup. lorsque tu relâches sa main et que tu t'apprêtes à fermer les yeux, tu te redresses et tu t'approches d'elle, tu lui baisses ses paupières, elle est toute froide, toute gelée, et dans la pénombre, alors que ton regard s'attarde sur elle, tu vois quelque chose briller près de son cou. Alors je me dis que c'est son âme. Que c'est? Son âme qui se débat de la mort. Et peut-être aura-t-elle échappé à de profonds tourments en partant si doucement? Est-ce ainsi? Qu'elle t'a dit quelque chose avant de partir, auquel tu puisses attacher du poids? T'a-t-elle offert quelque chose en dehors de ces vêtements qu'elle t'a rapiécés et du sac dans lequel tu dors? Mais t'aura-t-elle dit ce soir quelque chose? Cette nuit, au creux de la nuit, alors que la vie s'enfuyait d'elle, que t'a-t-elle dit qu'elle cherchait encore? Qu'elle venait enfin de me retrouver. Aurait-elle parlé d'autres personnes? Non. Elle ne cherchait pas quelqu'un d'autre? Non. Quand tu as parlé du dragon, elle a dit: Ah! Mon petit dragon, lui qui est sourd, muet aussi, il a égaré son biclot et est parti avec la gode le chercher. Et maintenant c'est moi qui les cherche sur la lande, mais je t'ai retrouvé, Léo. Te faudra-t-il chercher toi aussi ce dragon? J'espère qu'il ne sera pas tellement agressif. Un dragon sourd et muet aussi, ami de la gaude. La gaude, ça te dit quelque chose? Ce sera la fin de cet épisode. Est-ce que l'histoire t'a plu? Beaucoup. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que tu aies dit Dragon et la gaude, tu as parlé des filorans de la partie des brins bleus. Mais du coup, j'en connais plus sur la partie des brins bleus. Je savais pas que c'était une histoire de biclou. Enfin, biclou, c'est bien. Et je pense que ça t'étonne un peu que je dise j'espère que ce dragon ne sera pas trop agressif. Alors nous sommes d'accord, nous arrêtons là. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? J'ai ajouté que je trouve ça un peu triste que l'ancienne Sois soit morte. morte.